chanson du râteau. Avec moi, non, tant pis. Wow, wow, c'est la chanson du râteau. Wow, wow, c'est la chanson du râteau. Je pense que tu comprendras, je peux pas comme ça avec toi. Je voudrais pas gâcher notre si belle amitié. Wow, wow, c'est la chanson du râteau. Wow, wow, c'est la chanson du râteau. La chanson du râteau. Du haut de mon mètre 80, des centaines de râteaux me contemplent. Tatati tata, la la la. Oh mon râteau, tu es le plus beau des râteaux. Je l'avais demandé avant, je ne sais pas, je n'aurais pas écrit comme ça. Des détails de choses nouvelles ont joué contre toi, désolé. Wow, wow, c'est la chanson du râteau. Wow, wow, c'est la chanson du râteau. N'aie pas de haine, je n'aimais que toi. J'avais trop à te donner. Tu ne m'as pas voulu. Tant pis, poil au cul. Wow, wow, c'est la chanson du râteau. Wow, wow, c'est la chanson du râteau. Avec moi les puceaux. C'est la chanson du râteau. Wow, wow, c'est la chanson du râteau.